News. Il s'appelait Jean et Bill. Il n'était pas très subtil. On le disait même plutôt méchant. Y'en avait pas beaucoup là-dedans. Mais un jour, aux amis Bill, l'année de tous les périls, c'est nous tout le monde prit peur pour sa petite ordinateur. C'était peut-être les Russes qui avaient balancé un virus. Ou bien les Américains qui s'en lavaient sûrement les mains. Sauf que ce vieux Jean-Émile ne se faisait pas trop de bile, vu qu'il n'avait pas d'appareil qui risquait de se mettre en veille. Puisqu'il vivait dans les bois avec les loups et les rats, il côtoyait même les putois, et franchement ça le dérangeait pas. Aïe, aïe, aïe. Et alors? Alors il a pété les plombs! Déraciné à tronc! Les décidés de caisser! La buse de tous les supermarchés! Du coup d'en balaver! C'est pas pêchant par un poulet! Il entend bien dans la boutique! Pour lui prendre sa signalétique! Alors il a serré les poings. S'est emparé d'un parpaing. Et l'a jeté sauvagement à la figure du sergent. Ils l'ont foutu en prison. Il risquait la pendaison. Et le jour du jugement, ils l'ont déclaré coupable. Laï, laï, laï, laï, laï, laï. Ils l'ont mis sur l'échafaud. Il avait plutôt froid au dos. Il devrait et grelotter sous sa chemise. Sous sa chemise. Pourtant il craignait pas la bise. Oh non, pas la bise. Il avait vécu dans les bois. Il n'aurait pas fait de mal à Jean. Mais ils n'ont eu aucun remords. Et ils l'ont condamné à mort. La morale de cette histoire, qui vous a flanqué le cafard, c'est que pour l'an 1000, le bug aura été subtil.